Bonjour les amis, welcome to French Pod America. Bonjour à tous, je m'appelle Amaury. We have an elementary lesson for you. Une leçon élémentaire. We're talking about secrets. That's right. Let's get right to the dialogue. We have somebody who has a secret. Does he really want to share it? We're going to see. Yeah. What's a keyword? How do you say secret, for example? Un secret. Secret. Secret. It's spelled exactly the same as English. Yeah. It's pronounced very different. Yeah. So here's the dialogue three times, and then we'll come back after and tell you what happens. Dialogue, première écoute. J'ai un secret à te dire. Dis-moi. D'accord, mais ferme la porte d'abord. Ok, c'est fait. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas vraiment de secret. Je n'avais pas envie de me lever. C'est tout. T'es vraiment paresseux. Dialogue, deuxième écoute. J'ai un secret à te dire. Dis-moi. D'accord, mais ferme la porte d'abord. Ok, c'est fait. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas vraiment de secret. Je n'avais pas envie de me lever. C'est tout. T'es vraiment paresseux. Dialogue, troisième écoute. J'ai un secret à te dire. Dis-moi. D'accord, mais ferme la porte d'abord. Ok, c'est fait. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas vraiment de secret. Je n'avais pas envie de me lever. C'est tout. T'es vraiment paresseux. Let's go for the translation. Okay. J'ai un secret à te dire. I have a secret to tell you. J'ai un secret à te dire. I have a secret to tell you. J'ai un secret à te dire. Dis-moi. Tell me. Dis-moi. Tell me. Dis-moi. D'accord, mais ferme la porte d'abord. Okay, but close the door first. D'accord, mais ferme la porte d'abord. Okay, but close the door first. D'accord, mais ferme la porte d'abord. Okay, c'est fait. Qu'est-ce que c'est? Okay, it's done. What is it? Okay, c'est fait. Qu'est-ce que c'est? Okay, it's done. The door is closed. What is it? Okay, c'est fait. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas vraiment de secret. I don't really have a secret. Je n'ai pas vraiment de secret. I don't really have any secrets. Je n'ai pas vraiment de secret. Je n'avais pas envie de me lever. C'est tout. I didn't feel like getting up. That's all. Je n'avais pas envie de me lever. C'est tout. I didn't feel like getting up. That's all. Je n'avais pas envie de me lever. C'est tout. Tu es vraiment paresseux. You are really lazy. Tu es vraiment paresseux. You are so lazy. Tu es vraiment paresseux. He is pretty paresseux and pretty sneaky. I like this last word here. It's one of my favorite words in French. Are you kidding? Yeah, it sounds nice. Paresseux. Your favorite word in French is lazy? No, I'm kidding. What, you like the way it sounds? It sounds, exactly. How does it sound? Paresseux. Paresseux. Yeah, but we're not paresseux here at French Pod. That's right. So? So, let's get to the analyzation of this dialogue. Pronto. Keyword? Un secret. And the first person says, j'ai un secret. And since they have un secret, they want to tell it to you. À te dire. So, à te dire. Yeah. So, what's the whole sentence? J'ai un secret à te dire. Now, the à might seem a little weird at first because we don't need that à in English. Yeah, but the sentence wouldn't be correct in French without the A. So, I want to know it. Yeah, what is it? Dis-moi. Dis-moi. So, he agrees. He says, d'accord. But he gives a stipulation first. What does she have to do first? Mais ferme la porte. So, he gives her an order. Go up to la porte. And do what there? Fermez la porte. So you ferme la porte. Yeah. D'abord. First. Yeah. J'ai un secret à te dire. Before I tell it to you, ferme la porte. D'abord. D'abord. Yeah. And then she says, okay. But before he said, d'accord, which means okay too. That's right, yeah. Both have the same meaning. So it's okay to say okay in French. Yeah. D'accord. It's a little bit more like an agreement. That's right, yeah. I'm agreeing with you. D'accord. Okay, I got you. Yeah, oh. And you could say both of them together as well. Okay, d'accord. Okay, d'accord. Let's go on to the next line. C'est fait. It's done. C'est fait. Did you write that email I asked you to earlier? C'est fait, Erika. Did you mail the letters yesterday for me? C'est fait. Merci, Erika. No problem. So, she was asked to fermer la porte, and c'est fait. So now... The prize. Qu'est-ce que c'est? What's the big secret? Qu'est-ce que c'est? So what is it? What does he say? Je n'ai pas vraiment de secret. It's so bold. Before he said, j'ai un secret, if you want to say negative, je n'ai pas de secret. Right. But he doesn't really have one like he said he did. Je n'ai pas vraiment de secret. Then why did he ask her to fermer la porte? Je n'avais pas envie de me lever. Now let's break this down, break it apart, because there's a lot of parts to it. Let's just look at them all, all right? To feel like... Avoir envie de... Something. Avoir envie de... I feel like... J'ai envie de... What if it was yesterday? I felt like... J'avais envie de... He didn't, though. Je n'avais pas envie de... What? Me lever. To get myself out of this chair. To get up. Which can be to get up, literally stand up, but also get up in the morning. As well. Me lever, get myself up. Yep. He didn't feel like getting himself up. Because he's paresseux. That's right, yeah. C'est tout. C'est tout. That's all. That's all there is to it. I think it's quite a good trick. I'm going to use this. Don't try to use it with me, though, because I'm onto it. Now, what is her reaction? What does she tell him? Tu es vraiment paresseux. Okay, your favorite word. Yeah. Paresseux. Lazy. So, do you want to listen to the dialogue 3 more times? Are you too paresseux? No, d'accord. Let's listen to the dialogue 3 more times. All right, press the button. Okay, c'est fait. Dialogue, première écoute. J'ai un secret à te dire. Dis-moi. D'accord, mais ferme la porte d'abord. Ok, c'est fait. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas vraiment de secret. Je n'avais pas envie de me lever. C'est tout. T'es vraiment paresseux. Dialogue, deuxième écoute. J'ai un secret à te dire. Dis-moi. D'accord, mais ferme la porte d'abord. Ok, c'est fait. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas vraiment de secret. Je n'avais pas envie de me lever. C'est tout. T'es vraiment paresseux. Dialogue, troisième écoute. J'ai un secret à te dire. Dis-moi. D'accord, mais ferme la porte d'abord. Ok, c'est fait. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas vraiment de secret. Je n'avais pas envie de me lever. C'est tout. T'es vraiment paresseux. Hey, Amory. Oui, dis-moi. Why were you late today? Because je n'avais pas envie de me lever this morning. C'est tout. So, tu n'avais pas envie de te lever, you. Oui, c'est tout. Whatever. Sounds like a pretty simple answer, mais j'ai un secret à te dire. Dis-moi, Erika, qu'est-ce que c'est? Do you want me to fermer la porte d'abord? No. C'est fait. The door's already closed. Okay. La porte is already closed. C'est fait, so no. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Tu es vraiment paresseux. C'est ton secret. That's your secret. You're late because tu n'avais pas envie de te lever this morning. Is that a reason? But it is not un secret. You're right, but I'm just trying to find a way to use words. Thanks for pointing that out. Well, okay, you know what? J'ai un secret à te dire. Dis-moi. Me too. This morning, je n'avais pas envie de me lever. And I am also, je suis vraiment paresseuse. So don't feel bad. Okay. Bon, d'accord. The dialogue pretty much is done. C'est fait. Oui. C'est tout? Oui. No. Ce n'est pas tout. We have to mention that if you have any questions, you should come to FrenchPod.com. Or if you have un secret à nous dire. Exactement. Come tell it. Don't be paresseux. So, merci. Salut. Au revoir.